France Culture et la Comédie-Française présentent Le scénario Proust de Harold Pinter avec la collaboration de Joseph Lauzet et Barbara Bray. Traduction de l'anglais et adaptation radiophonique, Jean Pavant. Une réalisation de Michel Sidoroff. Deuxième partie. Casino de Balbec, salle de bal, jour 1901. Albertine et André dansant ensemble. Oh, c'est délicieux! Grand hôtel de Balbec. Chambre de Marcel. Jour 1901. Marcel est seul. Il se penche pour déboutonner ses bottines. Il se fige soudain en restant penché. Son visage submergé de chagrin. Hôtel de Balbec. Chambre de Marcel. La nuit suivante. Marcel, en robe de chambre, assis sur une chaise près de la fenêtre. L'aube se lève sur la mer. Marcel reste immobile. Marcel lève les yeux. La porte s'ouvre. La mère entre. Elle porte le peignoir de la grand-mère. Marcel la dévisage avec stupeur. Pourquoi me regardes-tu comme cela? Ah! Oui, je ressemble à ta grand-mère. Pourquoi restes-tu sur cette chaise? Que se passe-t-il? Qu'as-tu? Elle le prend dans ses bras. Chambre d'hôtel de Marcel, matin. Marcel est à la fenêtre, regardant dehors. On voit, posée sur un meuble, une photographie encadrée de la grand-mère. Françoise entre. Mademoiselle Albertine est là. Dites-lui que je ne peux pas la voir. Françoise sort. Marcel regarde la photographie. Hôtel de Balbec, chambre de Marcel. Marcel et Albertine sont assis l'un en face de l'autre. Vous aimeriez que nous nous voyions tous les jours? Non, je ne peux pas. Je ne me sens pas très vaillant. Mais nous pourrons nous voir de temps en temps. Je viendrai chaque fois que vous en aurez envie. Je resterai avec vous aussi longtemps que vous voudrez. Chambre de Marcel, un autre jour. Albertine, dans une robe différente, sur le lit, dans les bras de Marcel. Elle regarde sa montre, se lève d'un bond, va vers le miroir, s'arrange les cheveux. Je dois partir. Comment? Pourquoi? Il faut que je sois quelque part à 5 heures. Où? Je dois rendre visite à une amie de ma tante, à Infreville. Mais vous ne m'avez rien dit en arrivant? Je ne voulais pas vous contrarier. Elle reçoit tous les jours à 5 heures. Il ne faut pas que je sois en retard. Mais puisqu'elle reçoit tous les jours, pourquoi devez-vous y aller justement aujourd'hui? Elle m'attend. Ma tante veut que j'y aille. Mais pourquoi aujourd'hui? Eh bien, en fait, j'ai donné rendez-vous chez elle à des amis. Comme ça, on s'ennuiera moins. Alors vous préférez cette dame ennuyeuse et vos amis à moi? J'ai dit que je ramènerais mes amis dans ma carriole. Sans cela, elle n'aurait plus aucun moyen de transport. Il y a des trains à Infreville jusqu'à 10 heures du soir. C'est vrai, mais il est possible qu'on nous demande de rester à dîner. Très bien. Écoutez, je sens qu'un peu d'air frais me fera du bien. Je vais vous accompagner, juste pour faire un tour. Je n'entrerai pas chez cette dame. Je vous laisserai à sa porte. J'ai besoin de prendre l'air. Alors, allons nous promener dans l'autre direction. C'est bien plus joli par là-bas. Dans l'autre direction? Mais l'amie de votre tante sera fâchée si vous n'allez pas la voir. Eh bien, elle se défâchera. Non, il ne faut pas fâcher les gens. Vous devez y aller. Mais elle ne s'en apercevra même pas. Elle reçoit tous les jours. Que j'y aille demain, après-demain, dans 8 jours, dans 15 jours, ça fera toujours l'affaire. Et vos amis? Elles pourront rentrer à pied. Ça leur fera du bien. Je ne sors pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que je sois avec vous. Comment pouvez-vous croire ça? Parce que vous ne dites pas la vérité. Mais si! Vraiment, c'est trop fort. Je change tout pour passer une bonne soirée avec vous. C'est vous qui ne voulez pas et vous m'accusez de mensonge? Vous êtes trop méchant, je ne veux plus vous revoir, jamais. Ce serait raisonnable. Dans ce cas, je vais aller voir l'ami de ma tante. Rue de Paris, nuit, 1880. Swann épie la maison d'Odette. Tout est sombre et silencieux. Plage de Balbec, nuit, 1901. Clair de lune caressant les dunes. Deux ombres étendues sur le sable, enlacées. Oh, mon amour. Mon amour. Balbec, bord de mer, jour, 1901. Marcel marchant vers le casino. Le docteur Cottard l'aborde. Bonjour. Vous souvenez-vous de moi? Le docteur Cottard, j'ai soigné votre grand-mère. Mon pronostic avait été tout à fait sombre, je me souviens très bien. Oui, naturellement. Je me rends chez les Verdurin. Ils ont loué près d'ici une maison pour l'été, la Raspelière. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Il serait enchanté de vous voir. Je regrette, je dois retrouver des amis au casino. Ah bien. Dans ce cas, je vais entrer un instant avec vous, si vous le voulez bien. Mon train n'est qu'à 6 heures. Vous devriez aller à la Raspelière un de ces jours. Les Verdurin sont de vrais gens du monde. Ils reçoivent tout le gratin. Savez-vous, il paraît que la fortune de Madame Verdurin s'élève au moins à 35 millions. 35 millions, que dites-vous de ça? Et puis, elle fait beaucoup pour les arts, vraiment beaucoup. Vous voulez écrire, m'a-t-on dit? Elle serait ravie de vous rencontrer. Balbec, casino, salle de bal. Quelques jeunes filles sont attablées devant des boissons. Une demi-douzaine de jeunes filles dansent ensemble. Il n'y a aucun homme dans la salle. Albertine et André dansent ensemble. Marcel et Cottard les observent en arrivant. Elles dansent bien, n'est-ce pas, ces jeunes filles entre elles? Oui, mais les parents sont bien imprudents de laisser leurs filles prendre de pareilles habitudes. Je ne permettrai certainement pas aux miennes de venir ici. Regardez ces deux-là. On ne sait pas assez que c'est surtout par les seins que les femmes éprouvent de la jouissance. Et voyez, les leurs se touchent complètement. Albertine et André dansent serrées l'une contre l'autre. Elles se détachent. Intérieur de la salle de bal. Marcel est attablé avec André près des miroirs du mur. À la table voisine, Albertine avec Gisèle et Rosemonde. Albertine a le dos tourné à la salle. André tourne vivement la tête vers deux femmes qui entrent dans la salle et s'assoient. Que regardez-vous? Ces deux femmes. Lesquelles? Là-bas. Savez-vous qui elles sont? Non. Léa, l'actrice, avec son amie. Elles vivent ensemble au-dessus de tout le monde. C'est un scandale. Vous n'avez guère de sympathie pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Oh, là-dessus, je suis comme Albertine. Il n'y a rien qui nous fasse horreur à toutes les deux comme cela. Albertine, de dos, faisant face à Gisèle et Rosemonde. Dans le miroir, derrière Gisèle et Rosemonde, reflet du visage attentif d'Albertine. Grand hôtel, chambre de Marcel. Jour. Marcel et Albertine entrent dans la chambre. Qu'est-ce que vous avez contre moi ? Marcel s'éloigne vers la fenêtre. Puis il se retourne, s'assoit sur un canapé et regarde gravement Albertine. Vous voulez vraiment savoir la vérité ? Oui. Je suis très attirée par André. Je l'ai toujours été. Voilà la vérité. Nous pouvons être bons amis, vous et moi. Et je le souhaite. Mais rien de plus. À un moment donné, j'ai été sur le point de tomber amoureux de vous. Mais ce moment est définitivement passé. Pardonnez-moi d'être aussi franc. La vérité a toujours quelque chose de désagréable, pour l'un ou pour l'autre. J'aime André. Oh, je préfère que vous soyez franc. Je comprends. Mais j'aimerais savoir ce que j'ai bien pu faire. Vous ? Vous n'avez rien fait. Je viens justement de vous expliquer... Mais si, j'ai fait quelque chose. C'est-à-dire que vous vous imaginez que j'ai fait quelque chose. Vous ne voulez donc rien entendre ? Et vous ? Vous ne voulez rien dire ? On m'a raconté des choses. Des choses sur votre genre de vie. Mon genre de vie ? J'ai un profond dégoût pour les femmes atteintes de ce vice. Voyez-vous, on m'a dit que votre complice était André. Et comme André est la femme que j'aime, vous pouvez comprendre mon chagrin. Et qui vous a raconté ces bêtises ? Je ne peux pas vous le dire. André et moi, nous avons aussi horreur l'une que l'autre de ces choses-là. Rien ne nous révolte autant. Donc vous niez que ce soit vrai ? Si cela avait été vrai, je vous l'aurais avoué. Pourquoi n'aurais-je pas été parfaitement franche avec vous ? Mais je vous répète que c'est absolument faux. Vous le jurez ? Je le jure. Elle s'approche et s'assoit près de lui sur le canapé. Je le jure. Elle lui prend la main. Vous êtes bête. Elle lui caresse la main. Toutes vos histoires sur André. Elle lui touche le visage. Vous n'êtes pas content que je sois ici, assise à côté de vous ? Oui. Elle essaie de l'embrasser. Il garde la bouche fermée. Elle lui passe la langue sur les lèvres. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche, gros bêta. Elle lui ouvre les lèvres avec sa langue, lui donne un baiser, le renverse sur le canapé. Chambre dans une maison de santé. 1917. Jour. Marcel, 37 ans, assis à son bureau, figé comme un oiseau de nuit. Le bureau est vide. Est-ce que ton travail avance ? Oh, pardon, je ne te le demanderai plus. Plage de Balbec, jour, 1901. Marcel et sa mère sont assis sur des chaises longues. Je pense que tu dois savoir qu'un mariage entre Albertine et toi serait le rêve de sa tante. Vraiment ? Tu dépenses beaucoup d'argent pour elle. Madame Bontemps considère bien sûr que ce serait une grande chance pour sa nièce. Et toi, comment la trouves-tu ? Mais moi, ce n'est pas moi qui l'épouserai. Je crois que ta grand-mère n'aurait pas aimé qu'on t'influence. Enfin, je la trouverai toujours bien si elle doit te rendre heureux. Elle m'ennuie. Je n'ai aucune intention de l'épouser. Dans ce cas, tu devrais la voir moins souvent. Route de la Raspelière. Jour 1901. Charlus et Morel, assis dans une automobile conduite par un chauffeur. Ils regardent dans le vague. Morel a 21 ans. Il est très beau. Salon de la Raspelière. Crépuscule. Le salon est très vaste. Déploiement de plantes vertes, de fleurs sauvages, reproduisant des motifs peints sur les murs. Grande baie vitrée, ouvrant sur des terrasses. Vous allez entendre ce soir un véritable musicien. Mon mari et moi venons de le découvrir. Il s'appelle Morel. Il a un grand avenir. Malheureusement, il arrive avec un vieil ami de sa famille qui le cramponne, un certain baron de Charlus. Madame Verdurin se détourne pour rejoindre un groupe comprenant le marquis et la marquise de Cambremer, Madame Cottard, Monsieur Verdurin et Albertine. Albertine est très joliment habillée. Brichot, 64 ans, Cottard, 57 ans, et Marcel se tiennent à l'écart. Brichot est à moitié aveugle. Mais à propos, savez-vous la nouvelle ? De Chambre est mort ? Oui, je sais, le foie. De Chambre était le pianiste favori de Madame Verdurin. Un homme encore si jeune. Pas si jeune que ça. Il jouait la sonate de Vinteuil pour Swann il y a déjà bien des années, il me semble. Vraiment ? Je n'en ai aucun souvenir. Pauvre Swann, au fait. Comment cela, pauvre Swann ? Il est mort, mon cher ami. Mort il y a près de 2 mois. Vraiment ? On ne m'en a rien dit. Décidément, nos amis tombent comme des mouches cet an dernier. Monsieur Verdurin, 61 ans, les rejoint. Eh bien, ce pauvre de chambre. Eh bien oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'y pouvons rien. Ce ne sont pas nos paroles qui le ressusciteront, n'est-ce pas ? Et surtout, au nom du ciel, n'allez pas parler de deux chambres à Madame Verdurin. Elle a une véritable maladie de la sensibilité. Quand elle a appris qu'il était mort, elle a presque pleuré. Oh, vraiment ? Cottard jette un coup d'œil en direction des Cambremer. Ces Cambremer, vous avez dit que c'était un marquis et une marquise ? Oui, et alors, quelle importance ? Nous leur louons cette maison pour l'été. Ils sont ennuyeux à mourir, mais nous sommes bien obligés de les inviter au moins une fois, par courtoisie. Un marquis et une marquise. Je vous l'avais bien dit. On rencontre tout le gratin ici. Monsieur Morel et le baron de Charlus. Les Verdurin s'approchent de Morel et Charlus. Les regards de Marcel et de Morel se croisent. Ils ont un éclair de reconnaissance. Albertine, seule près des fenêtres. Morel présente Charlus au Verdurin. Albertine regarde Morel. Elle se détourne pour regarder par la fenêtre. Madame Verdurin se penche vers son mari. Est-ce que je donne le bras au baron de Charlus ? Sûrement pas. Cambremer est marquis. Charlus est seulement baron. Ah. Un marquis est plus élevé en grade qu'un baron, non ? Je suis certain de ne pas me tromper. Tu placeras Cambremer à ta droite. Donne-lui le bras. Salle à manger de la Raspelière. Madame Verdurin, au bras du marquis de Cambremer, 55 ans, mène le cortège des convives. Un gros poisson est posé sur une desserte. Monsieur de Cambremer le remarque en passant. Oh, mais donc, il me semble que voilà une belle bête. Les invités prennent place à table. Madame Verdurin a Monsieur de Cambremer à sa droite, Marcel à sa gauche. À gauche de Marcel, Madame Cottard, Brichot, Morel et Charlus. À droite de Monsieur de Cambremer, Albertine, Cottard et Madame de Cambremer. Je reconnais bien ma vieille Raspelière. Vous devez pourtant trouver quelques changements. Il y a de grands diables de bronze et de petits coquins de siège en peluche que je me suis empressée d'expédier au grenier. Qui est encore trop beau pour eux. Madame de Cambremer se raidit en entendant cette remarque. Elle a 50 ans. Elle est très grasse. Belle maison, n'est-ce pas ? Nous sommes les propriétaires. Morel regarde Albertine de l'autre côté de la table. Albertine regarde Morel de l'autre côté de la table. Marcel regarde Albertine qui regarde Morel. Quand vous arrivez à des sites relativement élevés, comme celui où nous nous trouvons en ce moment, remarquez-vous que cela augmente votre tendance aux étouffements? Non, monsieur. Des étouffements? Mais qui a des étouffements? Moi, monsieur, parfois. Vraiment? Ah, vous ne pouvez pas savoir combien cela m'amuse d'entendre ça, parce que justement, ma sœur en a aussi. Elle en a depuis 5 ans. Je lui dirais que j'ai rencontré quelqu'un qui souffre comme elle. Ça la divertira beaucoup. Ouais. Morel regarde Albertine. Charlus regarde Morel. Bien sûr, dès les premiers mots que nous avons échangés, j'ai compris que vous en étiez. Je vous demande pardon ? Je veux dire que j'ai tout de suite senti que ces détails n'ont aucune importance pour vous. Je ne vous suis pas bien. Je parle de la préséance que nous avons donnée à Monsieur de Cambremer en le plaçant à la droite de ma femme. Pour ma part, je n'attache aucune importance au titre de noblesse, mais enfin, puisque Monsieur de Cambremer est marquis, et comme vous n'êtes que baron... Vous permettez. Je suis aussi duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince de Léron, de Carency, de Viareggio et des Dunes. D'ailleurs, cela ne fait absolument rien ici. Ne vous tourmentez pas. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. Salon de la Raspelière, après le dîner. Ils ont saccagé la maison. C'est un vrai massacre. Mais je ne suis pas surprise. Que voulez-vous, ces gens? Ils ne savent pas où auraient-ils appris. Ce doivent être de gros commerçants retirés. Madame Cottard s'assoupit sur sa chaise. Les chandeliers m'ont paru beaux. Je pense que nous devrions augmenter le loyer. Trouvez-vous pas qu'il joue comme un dieu? Jouez-nous donc quelque chose d'autre. Non, je regrette, je dois bientôt m'en aller. Cottard se penche à l'oreille de sa femme. Eh bien, Léontine, tu pionces. J'écoute ce que me dit Monsieur Swann. Elle cause avec les esprits, docteur, et des esprits d'un genre assez douteux. Swann. Mon bain est bien comme chaleur, mais les plumes de mon dictionnaire... Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Je pensais à mon chapeau, j'ai dû dire une bêtise. Un peu plus, j'allais m'assoupir. C'est ce maudit feu. Il n'y a pas de feu, nous sommes en plein été. Regardez-la, elle est rouge comme une vieille paysanne. Oh, mon ami. Morel, assis sur une chaise près d'Albertine. Il regarde dans des directions différentes. Charlus et Marcel regardent en direction de Morel. Je ferai de lui quelque chose de grand. Madame Verdurin s'approche de Morel. Dites-moi, mon petit Mozart, vous ne voulez pas rester pour la nuit? Nous avons de belles chambres donnant sur la mer. Mais il ne peut pas. Il faut qu'il retrouve son lit comme un enfant bien obéissant, bien sage. Vous avez une bien jolie robe. Merci, madame. Vous n'aimeriez pas passer la nuit ici? Je peux vous montrer une chambre que vous adorerez sûrement. Je crains que ce ne soit pas possible. Mademoiselle Simona est attendue par sa tante. Quel dommage! Parc de la Raspelière, sommet de la falaise, nuit. À distance, lumière de la maison. La porte est grande ouverte. Les voitures se rangent devant le seuil. Les invités attendent au clair de lune. Marcel se tient à l'écart avec Albertine. Morel est derrière eux et leur tourne le dos. Monsieur de Cambremer s'approche de Marcel. J'espère que vous nous ferez le plaisir de passer nous voir. Vous parlerez de vos étouffements avec ma sœur. Ça lui fera une bonne distraction. Le petit train rentrant vers Balbec. Nuit. Marcel et Albertine, seuls dans le wagon. Oh, quelle jolie maison. Je me suis vraiment bien amusée. Beaucoup de temps perdu. J'ai passé un bon moment. Qu'avez-vous pensé de Morel ? Oh, il joue magnifiquement. Son père était le valet de mon oncle. Ah bon ? En tout cas, c'est un merveilleux interprète. Il faut que j'en termine avec tout ça. Je dois y mettre fin. C'est de la perte de temps. Par exemple, il y a une chose que j'aurais voulu leur demander, mais naturellement, je n'en ai pas eu l'occasion. Quoi donc ? Oh, ça ne vous intéresserait pas. À propos d'un musicien qui était un de leurs protégés, il a composé une sonate. Je voulais savoir s'il avait écrit quelque chose d'autre. Quel musicien ? Quand je vous aurais dit qu'il s'appelle Vinteuil, en serez-vous beaucoup plus avancé. Vinteuil, comme c'est drôle. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une amie plus âgée que moi, qui m'a servi de mère, de sœur, avec qui j'ai passé à Trieste mes meilleures années. Non, je ne m'en souviens pas. Mais si. D'ailleurs, je dois, dans quelques semaines, la retrouver à Cherbourg. Eh bien, cette femme est justement la meilleure amie de la fille de ce Vinteuil. En fait, je connais presque autant la fille de Vinteuil. Je ne les appelle jamais que mes deux grandes sœurs. Grand hôtel de Balbec, chambre de Marcel, jour. La mère, assise. Marcel, debout. Je sais la peine que je vais te faire en te disant cela, mais je dois rentrer à Paris. Je vais inviter Albertine à s'installer avec moi, chez nous, dans notre appartement. Il faut absolument... Et s'il te plaît, ne discute pas, parce que j'ai bien réfléchi, parce que je ne changerai pas d'avis, et que je ne pourrai pas vivre sans cela. Il faut absolument que j'épouse Albertine. Visage de la mère. Laisse donc tout ouvert. J'ai chaud. Mais on peut nous voir. Je veux dire, nous voir en train de lire ou de faire autre chose. Je vois là encore. Encore ? Rien que la petite phrase. Je joue tellement mal. Il faut vous décider. Vous voulez que je joue la phrase ou vous voulez jouer avec moi ? Oh, cette phrase nous appartient. C'est notre hymne national. Paris, appartement de Marcel, nuit, 1902. Bibliothèque. Albertine au lit. Elle dort. Marcel la regarde. Cuisine. Une branche de seringa posée sur la table. La bibliothèque est la chambre d'Albertine. Albertine, en chemise de nuit, debout devant la fenêtre ouverte. Couloir, matin. Françoise traverse le couloir avec un plateau. Elle s'arrête pour frapper à la porte de la bibliothèque. Deux salles de bain adjacentes. Entre les deux, carreaux en verre dépoli. On y voit la silhouette d'Albertine en train de s'essuyer. Marcel dans l'autre salle de bain. Il sourit. Chambre de Marcel, matin. Marcel est au lit. Albertine entre. Bonjour. Quelle peau douce. Vous vous êtes rasé. En effet. Et je me suis recouché. Quel paresseux. Vous avez mal dormi? Très mal. Vous vous sentez malade? Non, mais pas très vaillant. Je vais rester au lit aujourd'hui. Mon pauvre petit. André va bientôt passer vous prendre pour sortir, n'est-ce pas? Oui. Où irez-vous? Oh, je ne sais pas. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? Ou bien, je pourrais la renvoyer et nous sortirions tous les deux, seuls, vous et moi. André est une très bonne amie. Pour nous deux. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai confiance en elle. De toute façon, je ne vais pas assez bien pour sortir. Est-ce que vous travaillerez si nous vous laissons seuls? Vous vous y mettrez? Oui, oui. Je vous apporterai du papier et des crayons et je les poserai sur le lit. Comme ça, vous n'aurez pas à vous lever. Ou si vous préférez, je peux rester avec vous. Comment pourrais-je travailler si vous restez avec moi? Je risque de vous distraire. Parfois, j'ai envie de ne plus jamais sortir, de ne plus jamais vous quitter. Jamais. Mais quand vous aurez envie que je m'en aille, vous me le direz, n'est-ce pas? Vous me le direz franchement, et je m'en irai. C'est-à-dire, si vos parents ne me le demandent pas avant vous. Mes parents sont très contents que mon ami reste ici avec moi. Cela ne les gêne pas du tout. Moi non plus, ça ne me gêne pas. Je pourrais bien vous épouser. Non, non. Il y a beaucoup d'autres filles plus jolies et plus intelligentes que moi pour vous. C'est André. Chambre d'Albertine. Soir. Albertine au lit. Elle dort. Marcel la regarde. Il s'assoit sur le lit. Puis s'allonge tout près d'elle. Albertine, les yeux fermés. Ses paupières tremblent. Marcel, les yeux ouverts. Il se presse doucement contre elle. Chambre de Marcel, après-midi. Par la porte ouverte, nous voyons Albertine et André traversant le couloir. Albertine se retire dans sa chambre. André entre dans la chambre de Marcel et ferme la porte. Une pile de carnets intacts est posée sur le lit. Nous avons passé une très bonne journée. Où êtes-vous allé? À Versailles. Avez-vous rencontré des gens? Albertine a rencontré une ancienne amie. Qui? Une ancienne camarade de classe. Je ne me souviens pas de son nom. Comment était-elle? Terne. Plutôt laide, en fait. De quoi ont-elles parlé? De peinture, enfin des choses de collégienne. Et c'est tout? C'est tout. Albertine, au lit, levant les yeux, les cheveux étalés sur l'oreiller. J'étais tellement ignorante avant de vous rencontrer. Maintenant, je suis devenue vraiment intelligente. N'est-ce pas? C'est entièrement grâce à vous. Je vous dois tout. Albertine à la fenêtre de sa chambre. Jour. Marcel traverse la cour avec une branche de seringa. Marcel monte l'escalier de l'immeuble avec le seringa. André sort par la porte de l'appartement. Comment? Vous êtes déjà rentré? Il n'y a qu'un instant, mais Albertine avait à écrire. Elle m'a renvoyé. Écrire? À qui? À sa tante. Je regrette que vous ayez refermé la porte. J'ai oublié ma clé. Est-ce que Françoise est là? Elle est sortie faire une course. Ce sont des seringas, n'est-ce pas? En effet. Albertine déteste les seringas. Elle ne supporte pas les odeurs fortes. Alors j'ai eu une mauvaise idée. Ce parfum est vraiment entêtant. Eh bien, je vous laisse. Ouh, des seringas. Je vais les mettre dans la cuisine. Je suis dans votre chambre. Je suis navrée. Je ne savais pas que vous détestiez les seringas. C'est seulement à cause de leur odeur. Elle est trop forte. Vous en êtes sans doute tout imprégnée. Ne vous approchez pas trop de moi tant qu'elle ne sera pas dissipée. Chambre de Marcel. Matin. Marcel est au lit. Françoise lui apporte son café. Qu'avez-vous ? Elle vous causera du chagrin, celle-là. Que voulez-vous dire ? Il y a 40 ans que je suis dans votre famille. Et alors ? Vous faites de la peine à vos parents. Vous dites n'importe quoi. Mes parents sont très contents pour moi. Ma mère me le répète dans toutes ses lettres. Vous avez installé la honte dans cette maison. Ça suffit. Chambre d'Albertine. Nuit. Albertine dort. Marcel, à côté d'elle, tâche de comprendre ce qu'elle murmure dans son sommeil. Oh, mon amour. Salon, soir. Albertine, en train de dessiner. Marcel la regarde faire. C'est vraiment très bien. Non, c'est très mauvais. Mais je n'ai jamais pris de leçons. Mais vous preniez des leçons de dessin à Balbec. Comment cela ? Un soir, vous m'avez fait dire que vous ne pouviez pas me voir parce que vous aviez une leçon de dessin. Oh, c'est vrai. Mais c'était avec un si mauvais professeur que j'avais oublié tout ça. Elle ne m'avait rien appris. J'avais l'intention de vous demander quelque chose. Cela n'a absolument aucune importance, mais... Quoi donc ? Avez-vous jamais rencontré Léa ? Léa ? L'actrice. Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Que savez-vous d'elle ? Quel genre de femme est-ce ? Très convenable, pour autant que je sache. Ce n'est pas ce qu'on m'a laissé entendre. Je ne sais rien de ces choses-là. Vous n'avez pas confiance en moi, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Vous savez bien que je vous aime. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Et vous savez que je vous aime. Je trouve que c'est trop dangereux pour vous de faire du cheval. Vous pourriez aisément avoir un accident. Si je mourais, est-ce que vous vous tueriez ? Chambre de Marcel. Nuit. Albertine en peignoir. Marcel lui enlève son peignoir, ouvre sa chemise de nuit, regarde ses seins, se penche pour lui ôter ses pantoufles. Souriante, elle l'aide quand il lui enlève sa chemise de nuit. Le corps nu d'Albertine. Elle s'étend sur le lit. Elle croise les bras derrière la tête. Marcel se penche sur elle. Oh, ma chérie. Chambre d'Albertine. Nuit. Albertine, en chemise de nuit, debout devant la fenêtre ouverte. Salon. Matin. Marcel et Albertine à la fenêtre. Oh, écoutez, ces cris. Ne sont-ils pas merveilleux ? Des huîtres. J'en ai si envie. Des moules. J'aimerais tant manger des moules. Mais ma chérie, c'était bon pour Balbec. Ici, elles ne peuvent pas être aussi fraîches. Elles risquent de vous rendre malade. Écoutez. Des choux. Des carottes, des oranges. Voilà rien que des choses que j'ai envie de manger. Faites-en acheter par Françoise. Elle fera les carottes à la crème. Et puis, ce sera gentil de manger tout ça ensemble. Ce sera tous ces bruits que nous entendons transformés en un bon repas. Vous allez le lui demander. Oui, oui. J'aimerais aussi une glace. Je pourrais passer chez Rebattet pour en acheter une. Vous n'avez pas besoin d'aller chez Rebattet. Je peux en commander une au Ritz. Vous sortez donc ? Je sortirai peut-être. Peut-être pas. En tout cas, si vous commandez une glace pour moi, J'aimerais qu'elle soit prise dans un de ces moules démodés qui ont une forme d'architecture, de temple ou d'église. Je ferai écrouler et fondre dans mon gosier un monument de framboise ou de vanille. N'est-ce pas bien dit ? Mes lèvres détruiront chaque colonne, ma langue démolira des églises vénitiennes et j'engloutirai leur fraîcheur. Le couloir. Nuit. Marcel traverse le couloir jusqu'à la porte de la chambre d'Albertine. Il s'arrête pour tendre l'oreille. Plage de Balbec. Jour. Silhouette d'Albertine, se détachant sur le ciel et sur la mer. Salon. Soir. Marcel et Albertine sont attablés pour boire du café. Vous avez l'air triste. Je suis plus heureuse que jamais. Vous ne vous sentez pas prisonnière ? Je vous le répète, je suis plus heureuse que jamais. Il se peut que je passe chez les Verdurin demain. Je n'en ai pas vraiment envie, mais c'est bien possible. Pourquoi ? Je ne vous ai pas dit qu'André et moi, nous avons rencontré l'autre jour par hasard Madame Verdurin. Non, vous ne me l'avez pas dit. Vraiment ? Je croyais l'avoir fait. Enfin, elle a insisté pour que je passe prendre le thé chez elle un de ces jours. Ça ne me dit pas grand-chose, mais ce sera un changement. Elle a également invité André. Chambre de Marcel. Soir. Marcel est au téléphone. André ? Ah, c'est vous ? Est-ce que vous devez aller cet après-midi avec Albertine chez les Verdurin ? Oui, en effet. Pour quelle raison ? Quelle raison ? Pour quelle raison veut-elle y aller ? Parce que Madame Verdurin nous a invités à prendre le thé, c'est tout. C'est parfaitement innocent. Êtes-vous certaine que... Allô ? Oui. Oui, un instant. Êtes-vous certaine qu'elle n'y va pas pour retrouver quelqu'un ? Je ne vois pas qui. Il se peut que je vienne avec vous. Ah. Chambre d'Albertine. Soir. Marcel entre. Il se peut que je vienne avec vous. Où donc ? Chez les Verdurin. Demain pour le thé. Oui, pourquoi pas, si vous en avez envie. Mais je vous préviens qu'il y a un brouillard atroce ce soir et qu'il y en aura sûrement encore demain. Je vous le dis parce que je ne voudrais pas que cela vous fasse du mal. Vous pensez bien que je préfère que vous veniez avec nous. Mais en fait, je ne sais pas du tout si j'irai. Il faut absolument que j'aille acheter un col blanc pour cette robe. Je ferai plutôt cela. Salon. Soir suivant. Marcel et Albertine prenant le café. Avez-vous trouvé le col que vous vouliez ? Non. Je me sens mieux ce soir. Je pense que je vais faire une visite aux Guermantes ou à Madame de Villeparisis. Il y a trop longtemps que je ne suis pas sortie. Aimeriez-vous m'accompagner ? Non, je vous remercie. Mes cheveux sont affreux ce soir. Comme vous voulez. Je vais faire un petit tour. Serez-vous là quand je reviendrai ? Bien entendu. Paris, rue, soir, 1902. Il se peut que je passe chez les Verdurin demain. Je n'en ai pas vraiment envie, mais c'est bien possible. Marcel et Charlus marchent côte à côte. Je vous assure que cette soirée sera un événement mémorable et même historique. Savez-vous ce qui nous attend ? Non. Quoi donc? La première exécution d'une œuvre nouvelle de Vinteuil, jouée par Morel. Je suis ravi que vous veniez. Je vous aurais naturellement envoyé une invitation, mais je vous croyais malade. Allez-vous mieux? Oui, je vous remercie. Une nouvelle œuvre de Vinteuil? En effet. Un Septuor. Mais il y a des années qu'il est mort. Certes. Mais il paraît qu'il a laissé des manuscrits illisibles, vraiment indéchiffrables. Et savez-vous qui a passé des années à tenter de les décrypter? La redoutable amie de la fille de Vinteuil, avec l'aide de cette demoiselle. Après avoir précipité la mort du pauvre homme par leur conduite scandaleuse, elles se sont sans doute dit qu'elles pouvaient assurer sa survie en sauvant son œuvre. Ce Septuor est splendide. Et Morel le jouera splendidement. Je crois que ces deux personnes, de mauvaise réputation, sont venues à la répétition de cet après-midi. Morel m'a dit qu'elles étaient attendues. Ah, je n'ai pas vu ce petit bandit depuis ce matin. Il est venu à l'improviste me tirer du lit. De la pure malice. Il sait que je déteste qu'on me voie à mon réveil. Après tout, je n'ai plus 25 ans. Je ne pose pas pour la rosière, mais on garde sa petite coquetterie tout de même. Enfin, malicieux ou non, je dois avouer que ce jeune homme embellit de jour en jour. Mademoiselle Vinteuil et son amie devaient venir cet après-midi chez les Verdurin? Elles devaient venir. Je vais vous faire une confidence. Vous qui écrivez... Hélas, non, monsieur. Vous finirez par le faire, car vous le désirez. Donc, vous vous intéressez sûrement à certaines mystérieuses complications de la nature humaine. Ainsi, je vous fais confiance, bien que je ne sache pas trop pourquoi. Voyez-vous, il se trouve que l'autre jour, je suis tombé par hasard sur une lettre adressée à Morel. Elle venait de l'actrice Léa, dont personne, je pense, n'ignore le goût pour les femmes. Sa grossièreté m'empêche de vous la citer en détail, mais je puis vous préciser que Léa n'y parlait à Morel qu'au féminin. En lui disant des choses comme « ma belle chérie »,« grande salle, va » ou « toi tu en es, au moins ». Et cette lettre faisait clairement comprendre que des amis de Léa, des femmes comme elle, étaient attirées par lui. Bien sûr, j'ai toujours pensé que Morel en était, c'est-à-dire, était l'un de nous. Oh, il a eu des rapports avec des femmes, en quantité, et il en a encore, chaque fois qu'il en a envie. Et cela ne me fait rien du tout, mais avec ces femmes-là... Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Quand Léa lui dit « Toi, tu en es, au moins », qu'a-t-elle exactement en tête? Je veux dire, nous savons que Morel est ambidextre. Mais pensez-vous qu'il soit également comme ces femmes-là? Je ne sais pas. Et comment diable un homme peut-il être comme ces femmes-là? En d'autres termes, que peut-il bien faire avec elle? Je ne sais pas. Mais j'ai tort de vous demander cela. Évidemment, vous n'avez aucune expérience de ces choses. Savez-vous que mon neveu Saint-Loup va épouser Gilberte, la fille de Swann? Cette union aurait enchanté Swann, s'il avait suffisamment vécu pour y assister, le pauvre homme. Ah! Je dois vous dire que c'est moi qui ai fait les invitations pour ce soir. Madame Verdurin pourra inviter dans quelques jours toutes ses relations, la mercière d'en face ou l'épicier du coin, ou même la dame des toilettes des Champs-Élysées, mais ce soir, Morel jouera pour le véritable gratin. Et qu'avez-vous donc? Vous n'avez pas l'air bien. Je n'en ai pas vraiment envie, mais c'est bien possible. Auriez-vous un malaise? Non, je vais parfaitement bien. demeure des Vers du Rhin. Salle de musique, soir. Les Vers du Rhin, isolés, l'air mécontent. En arrière-plan, Charlus accueillant les invités. En entrant, les invités vont directement vers Charlus. Il semble avoir oublié que je suis chez moi et que c'est moi qui reçois. Je ne vais pas tolérer cela. Oriane, mais quel bonheur de vous voir. Il faut maintenant venir vous trouver dans les endroits les plus improbables. Où se trouve la mère Vers du Rhin? Je n'ai pas besoin d'aller lui parler, n'est-ce pas? J'espère qu'elle ne va pas mettre mon nom dans les journaux demain. Il y aurait de quoi me brouiller avec tous mes proches. Je vous demande pardon. Est-ce que Mademoiselle Vinteuil ne devait pas être ici? Avec une de ses amies? Non. Je viens justement de recevoir un télégramme. Elles ont été retenues à la campagne. Il faut dire à Morel la vérité sur cet individu. Nous la lui devons. Il faut absolument que tu ailles lui parler. J'estime que c'est de notre devoir de l'éclairer. Je suis de ton avis, mais après le concert. J'ai consacré ma vie à l'art, à la musique. Il faut sauver un pareil talent des griffes de ce monstre. Est-ce que par hasard l'actrice Léa sera présente ce soir? Certainement pas. Pourriez-vous me faire rencontrer notre hôtesse? Oh, mais certainement, madame. Sa Majesté la Reine de Naples désire que vous le soyez présentée. Ah! Puis-je avoir l'honneur de présenter à votre Majesté Madame Vers du Rhin, qui nous reçoit ce soir, ainsi que Monsieur Vers du Rhin. Votre Majesté, comme c'est aimable à vous d'avoir songé à m'inviter dans votre magnifique demeure, en une aussi agréable circonstance. Je suis enchantée d'avoir enfin le grand plaisir de faire votre connaissance. Vous me comblez, madame. J'espère que vous apprécierez cette soirée dans ce que je crois pouvoir appeler mon temple de la musique. C'est un si joli temple. Quel naturel. Quelle simplicité. Voilà ce que c'est que d'avoir un sang royal. Quelle différence avec toutes ces cruches. Ça ne m'étonnerait pas que la police ait l'œil sur la plupart de ces prétendues duchesses. S'il vous plaît. Les dames balancent la tête en imaginant suivre le rythme de la musique. D'autres se tournent pour échanger des signes et des sourires. D'autres agitent leur éventail. J'oublie toujours le nom du compositeur. Qui est-ce ? Le visage de Marcel semble revivifié. Il est à la fois calme et très concentré. Charlus, qui est tendu, essaie de se concentrer et jette des regards furieux à l'assistance. Madame Vers du Rhin se raidit sur sa chaise. La reine de Naples écoute avec attention. Morel joue avec ardeur. Une mèche de cheveux se détache et tombe sur son front. Visage de Marcel. clocher de Martinville. Visage de Marcel. Écran jaune. Marcel reste immobile. Son visage est radieux. Que d'invités attendant de remercier Charlus. Les Verdurin se tiennent à l'écart avec Brichot. Vraiment, mémé, il n'y a que vous pour réussir des choses pareilles. Vous monteriez une féerie dans une remise ou dans un cabinet de toilette, que ça n'en serait pas moins ravissant. Au fait, est-ce qu'il y a seulement jamais eu un monsieur Verdurin? Il est immonde. Brichot, proposez-lui de venir fumer une cigarette avec vous, pour que mon mari puisse emmener sa dulcinée et l'éclairer sur l'abîme où il roule. Eh bien, êtes-vous contente? Je pense qu'on le serait à moins. Vous avez eu la reine de Naples, la princesse de Taormine, le frère du roi de Bavière, les trois plus anciens pères, d'innombrables duchesses, dont ma propre belle-sœur, Oriane de Guermantes. Si Vinteuil et Mahomet, nous pouvons dire que nous avons déplacé pour lui les moins amovibles des montagnes. La reine de Naples a oublié son éventail. Comme c'est émouvant. On le reconnaîtrait entre tous. Il est d'autant plus touchant qu'il est affreux. Charlie n'a-t-il pas joué divinement? Où est-il? J'avais l'intention de le présenter à la reine. Et vous-même, chère madame, avez eu votre rôle dans cette fête. Votre nom ne sera pas absent. La duchesse de Duras était enchantée. Elle m'a même prié de vous le dire. Mais où est donc Charlie? Je ne l'ai pas encore félicité. Il est avec les musiciens. Venez donc un instant fumer une cigarette, baron. Je pense que vous l'avez mérité. C'est bien mon avis. Quel triomphe. Charlie a joué comme un dieu, ne trouvez-vous pas? Avez-vous remarqué le moment où cette mèche ravissante s'est détachée sur son front? La princesse de Taormine, devant l'évidence de la mèche miraculeuse, a soudain compris que c'était de la musique et qu'on ne jouait pas au poker. Monsieur Verdurin a entraîné Morel à l'écart. Morel est blême. Tenez, si vous voulez, nous allons demander conseil à ma femme. Ma parole d'honneur, je ne lui ai rien dit. Nous allons voir comment elle juge la chose. Vous savez à quel point son jugement est sûr. Il voudrait te demander un conseil. Je suis absolument du même avis que mon mari. Je trouve que vous ne pouvez pas tolérer cela plus longtemps. Tolérer quoi? Je l'ai deviné, ce que tu lui as dit. Non, je trouve que vous ne devez pas souffrir davantage cette promiscuité honteuse avec un personnage flétri, qui n'est reçu nulle part. Vous êtes la fable du conservatoire. Un mois de plus de cette vie et votre avenir artistique est brisé. Mais je suis stupéfait. Je n'avais jamais rien entendu dire. Vous êtes bien le seul. C'est un monsieur qui a une sale réputation et qui a eu de vilaines histoires. Je sais de source sûre qu'il a fait de la prison. La police garde l'œil sur lui. Du reste, même matériellement, il ne peut vous servir à rien. Il est entièrement ruiné depuis qu'il est la proie d'Apache qui le font chanter. Je ne m'en serais jamais douté. Mais vous savez qu'on commence à vous montrer partout du doigt. Il faut absolument que vous effaciez cette tâche avant qu'elle ne vous marque pour le restant de vos jours et ne brise votre carrière. Oui. Il prétend être votre ami, mais il parle de vous avec mépris. Quelqu'un l'autre jour a cru lui faire plaisir en lui disant « Nous admirons beaucoup votre ami Morel. » Savez-vous ce qu'il a répondu? Comment voulez-vous qu'il soit mon ami? Nous ne sommes pas de la même classe. Dites qu'il est ma créature. On a même répété qu'il avait dit « Mon domestique. » Mais ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a ajouté que votre oncle était un valet, un larbin. Quoi? Eh bien, Charlie, Êtes-vous content de votre triomphe? Quelle impression vous fait votre nouvelle gloire? Laissez-moi. Je vous défends de m'approcher. Je sais tout. Je ne suis pas le premier que vous avez essayé de corrompre. Mais... pervers. Qu'est-ce que ça veut dire? Morel monte sur l'estrade pour emballer son violon. Charlus reste pétrifié, le regard perdu. Morel remarque soudain que la reine de Naples se trouve à l'entrée de la salle. Elle a visiblement assisté à toute la scène. Charlus devrait prendre une chaise. Il tremble sur ses jambes, il va s'étaler. Est-ce que cette dame n'est pas la reine de Naples? Si, en effet. Le baron devait me présenter. Attendez, je vais le faire. Elle est charmante. Je suis Madame Verdurin. Votre Majesté ne me reconnaît pas? Très bien. Vous n'avez pas l'air bien, mon cher cousin. Appuyez-vous sur mon bras. Vous savez qu'autrefois, à Gaëte, il a tenu en respect la canaille. Il saura vous servir de rempart. Devant l'immeuble de Marcel, nuit. Marcel, sur le trottoir, lève les yeux. Une lumière brille à son appartement. Appartement de Marcel, salon, nuit. Albertine en train de lire. Marcel entre, vêtu de sa pelisse. Bonsoir. Vous êtes encore debout? Oui. Devinez d'où je viens. De chez les Verdurin. Je m'en doutais. Je ne savais pas que cela vous ennuierait. M'ennuyer? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça m'est parfaitement égal. Est-ce qu'il ne devait pas avoir Mademoiselle Vinteuil? Comment était le Septuor? Comment pouviez-vous savoir pour le Septuor? Tout le monde savait, ce n'est pas un secret. Je ne le savais pas. Est-ce que Morel a bien joué? Vous avez donc communiqué avec Morel? Communiqué? Bien sûr que non. Je le connais à peine. Alors comment avez-vous pu être au courant pour le Septuor? Je pense qu'André a dû m'en parler. Elle connaît assez bien Morel. Le Septuor était merveilleux. Il m'a procuré un bonheur que j'ai rarement éprouvé. Léa était présente. L'actrice. Comme c'est curieux. C'est une amie de Morel? Vraiment? Elle vous fait toutes ses amitiés. C'est vraiment curieux. Je la connais à peine. Nous l'avons vue jouer une fois l'année dernière et puis nous sommes allés la saluer dans sa loge. C'est tout. Qui cela, nous? Oh, une petite bande d'amis. Vous saviez que Mademoiselle Vinteuil devait passer chez les Verdurin dans l'après-midi, n'est-ce pas? Oh, ces questions! Oui, je le savais. Pouvez-vous me jurer que ce n'était pas pour renouer vos relations avec elle que vous vouliez y aller également cet après-midi? Je n'ai jamais eu de relation avec elle. Pouvez-vous me jurer que le plaisir de la retrouver n'avait rien à voir avec votre désir d'aller là-bas? Non, je ne peux pas vous jurer cela, car cela m'aurait fait un grand plaisir de la revoir. Tenez. Ce soir, j'ai appris que ce que vous m'aviez dit sur Mademoiselle Vinteuil... était un mensonge, n'est-ce pas? Oui, je vous ai menti quand j'ai prétendu que je les connaissais bien, elle et son amie, et que je les appelais mes deux grandes sœurs. Mais je sentais que je vous ennuyais, et j'ai pensé qu'en vous disant que je les avais fréquentées et que je pourrais vous parler des œuvres de Vinteuil, vous me trouveriez un peu plus intéressante. Quand je vous mens, c'est toujours par amitié pour vous. Je ne les ai vues que deux fois, en fait. J'ai inventé cette histoire parce que je me sentais perdue au milieu de tous ces gens chics que vous connaissez. Je n'ai pas le sou. Je suis vraiment pauvre. C'est stupide. J'ai de l'argent. Je vous en donnerais bien volontiers pour que vous fassiez la dame chic et que vous invitiez, par exemple, à un beau dîner, monsieur et madame Verdurin. Grand merci, dépenser un sou pour ces vieux-là. J'aime bien mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser. Qu'est-ce que vous dites, Albertine? Non, rien. Le dîner, les Verdurin. Mais pas du tout. Vous disiez quelque chose d'autre. Vous vous êtes arrêtée. Pourquoi vous êtes-vous arrêtée? Parce que je trouvais ma demande indiscrète. Quelle demande ? De donner un dîner. Vous ne l'avez pas demandé. Il ne faut pas abuser du fait que vous ayez de l'argent. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Je n'ai pas bien saisi vos mots. Vous en étiez resté à faire casser... Oh non, laissez-moi ! Mais pourquoi ? Pourquoi ne pouvez-vous pas achever ? Je ne sais pas à quoi je pensais. J'allais répéter des mots que j'ai entendus une fois dans la rue. Je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire. Ils me sont venus à la bouche sans aucune raison. Ça n'a aucun sens. J'étais seulement furieuse que vous soyez allée chez les Verdurin sans me prévenir. C'est une indélicatesse de votre part et c'est un affront pour moi. Je pense que je vais aller me coucher. Marcel sur sa chaise. Il ferme les yeux, les plisse de douleur. Chambre d'Albertine. Albertine se regarde dans un miroir. Marcel entre. Albertine, je pense qu'il vaut mieux nous quitter. Je vous demande de partir demain matin. Comment, demain ? Nous avons été heureux. Nous sommes maintenant malheureux. C'est aussi simple que cela. Je ne suis pas malheureuse. Ne cherchez pas à me revoir. Cela vaudra mieux. Vous êtes la seule personne à qui je tienne. J'ai toujours désiré aller à Venise. Maintenant, je pourrais y aller. Seule. Combien de fois m'avez-vous menti ? Eh bien, quand nous avons parlé de Léa tout à l'heure, j'ai eu tort de vous cacher un voyage de 3 semaines que j'ai fait avec elle. C'était avant que je vous connaisse. Mais c'était très innocent. Léa a été parfaitement convenable avec moi. Elle m'aimait bien, c'est tout, comme si j'étais sa fille. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai eu peur de vous faire de la peine. Mais il ne s'est rien passé du tout, je vous le jure. Je ne peux pas croire que je ne reverrai plus cette chambre. Ça me semble impossible. Vous étiez malheureuse ici. Non, c'est maintenant que je serai malheureuse. Où irez-vous ? Je n'en sais rien. Il faut que je réfléchisse. Je vais retourner chez ma tante, j'imagine. Voudriez-vous que nous essayions de prolonger de quelques semaines ? Oui. Quelques semaines de plus ? Oui, je pense que nous devrions. Chambre de Marcel. Marcel, seul, assis, immobile. Il tourne brusquement la tête. Couloir, nuit. Marcel traverse le couloir jusqu'à la porte de la chambre d'Albertine. Il s'arrête pour tendre l'oreille. Chambre de Marcel, matin. Marcel est couché. Françoise entre. Je ne savais pas ce que je devais faire. Mademoiselle Albertine m'a demandé ses malles ce matin à 7 heures. Vous vous dormiez. Je n'osais pas vous réveiller. Vous avez donné l'ordre de jamais vous réveiller. Elle a fait ses bagages. Elle s'en est allée. Elle est partie. Bien sûr, vous avez très bien fait de ne pas me réveiller. Les yeux de Marcel. Les yeux de Gilberte à Tansonville. Les yeux de la duchesse de Guermantes dans la rue. Les yeux d'Odette dans l'avenue des Acacias. Les yeux de la mère dans la chambre de Combray. Les yeux de Marcel dans les cabinets de Combray. Les yeux de Marcel. Chambre de Marcel, Paris, 1902. Françoise lui apporte un télégramme. Il l'ouvre. Il le lit, il le laisse tomber. Françoise ramasse le télégramme, le pose sur une table et sort de la chambre. Marcel, immobile, le regard vide. Campagne, jour. Un cheval sans cavalier s'éloigne au galop. Un corps de jeune fille, à terre, inanimé. Appartement de Marcel, soir. Le vestibule désert. La salle à manger déserte. Chambre de Marcel, nuit. Marcel seul, assis, le regard vide. Le vestibule, nuit. La porte de la chambre d'Albertine est entrouverte. Le vestibule est désert. Chambre de Marcel, jour. Marcel, seul, assis, le regard vide. Visage d'André. Maintenant qu'elle est morte, je peux vous le demander franchement. Vous aimez les femmes, n'est-ce pas ? Sourire d'André. Chambre de Marcel, jour, 1902. Vous connaissiez Mademoiselle Vinteuil intimement, n'est-ce pas ? Non, pas elle en fait, son amie. Il y a des années, bien sûr, que je suis au courant des choses que vous faisiez avec Albertine. Je n'ai jamais rien fait avec Albertine. Chambre de Marcel, nuit. Je suis très attirée par vous. Sans doute à cause des choses que vous avez faites avec Albertine. Je désire ce qu'elle a eu. Cela, c'est impossible. Vous êtes un homme. Elle était passionnée. Vous souvenez-vous de ce jour où vous aviez apporté des seringas et où vous aviez oublié votre clé ? Vous avez failli nous surprendre. C'était dangereux. Nous savions que vous pouviez entrer à tout instant. Mais elle le voulait. Elle en avait besoin. J'ai prétendu qu'elle détestait l'odeur du seringa. Vous vous en souvenez ? Elle était derrière la porte. Ensuite, elle vous a dit la même chose, pour vous éloigner d'elle. Comme cela, vous ne pouviez pas sentir sur elle ma propre odeur. Chambre de Marcel, jour. Vous voulez me le faire dire, n'est-ce pas ? Mais je ne dirai pas des choses qui ne sont pas vraies. Albertine détestait ce genre de choses. Je peux le jurer. Je vous jure que je n'ai jamais fait ce genre de choses avec Albertine. Chambre de Marcel, nuit. Quand elle a rencontré Morel, ils se sont compris tout de suite. Il lui procurait des filles. Il commençait par séduire une fille, et quand la fille était bien sous sa domination, il la livrait à Albertine, et ils prenaient ensemble leur plaisir avec cette fille. Léa a eu souvent des rapports avec elle à Balbec, dans les cabines de douche, l'été dernier. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais allée avec elle au bord d'une rivière avec de petites blanchisseuses. Il y en avait surtout une, très douce, très gentille. Elle faisait des choses, je ne peux vraiment pas vous dire lesquelles, qui faisaient crier à Albertine. Oh, tu me mets aux anges. Elle tremblait, nue, sur l'herbe. Chambre de Marcel, jour. Les gens qui vous ont raconté ces histoires sur Albertine vous ont menti. Ne pouvez-vous pas comprendre cela ? Personne ne m'a jamais rien raconté. Chambre de Marcel, nuit. Elle espérait que vous la sauveriez, que vous l'épouseriez. Elle vous aimait. Au fond, elle sentait que son obsession était une sorte de folie criminelle. Et je pense qu'elle aurait été bien capable de se tuer par désespoir. Swann, en silhouette de profil. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Venise. Grand Canal. Jour. 1903. Temps hivernal. Désolé. Marcel en gondole, s'approchant d'un palais. Sa mère encadrée dans une fenêtre. Elle lit, assise sur un balcon du palais. Elle quitte son livre des yeux pour regarder Marcel en gondole. La gondole accostant au ponton. Marcel sort de la gondole, lève les yeux pour voir sa mère. Son visage est inexpressif. Sa mère baisse les yeux vers lui avec une expression d'amour impuissant. Place Saint-Marc, jour. La place est déserte. Marcel et sa mère, assis à une terrasse de café, au milieu de tables vides. La mère lit. Elle lève les yeux de son livre et regarde Marcel. Place Saint-Marc, soir. Gondole oscillant près du môle. Intérieur de la basilique de Saint-Marc. La mosaïque bleutée de la création. Paris. Nuit. 1915. Projecteur vers le ciel. Sirène d'alerte aérienne. Blackout général. Marcel, 35 ans, marche seul dans une rue déserte. Des lumières filtrent à travers ce qui paraît être un petit hôtel. Marcel s'en approche. Il s'arrête non loin de la porte. La porte s'ouvre soudain. Un officier en sort. Dans l'éclat de lumière, Marcel reconnaît Saint-Loup. Saint-Loup hésite un moment, puis s'éloigne à grands pas. Marcel pénètre à l'intérieur. À la réception, un homme en habit de soirée chuchote avec le portier. Impossible, monsieur. La semaine prochaine, peut-être. Je verrai ce que je peux faire. Dans un vestibule, Marcel remarque un groupe de jeunes soldats et quelques civils avachis jouant au dé. L'homme en habit de soirée quitte la réception, jette un regard rapide à Marcel et sort de l'hôtel. Marcel s'approche lentement de la réception. J'aimerais une chambre jusqu'à la fin de l'alerte. Oui, oui. Nous pouvons arranger ça. Voilà. Désirez-vous autre chose, monsieur ? Une bouteille de champagne. Ah. Le portier, avec une bouteille de champagne, conduit Marcel vers une chambre. Ils entrent. La chambre est très peu meublée. Le portier ouvre la bouteille et emplit un verre. Marcel s'assoit. Merci. Quand vous aurez envie d'autre chose, monsieur, je monterai voir ce que vous désirez. Laissé seul, Marcel, assis, boit du champagne. Il remarque soudain une chose par terre, au pied du lit. Il va la ramasser. C'est une croix de guerre. Il la glisse dans sa poche et sort de la chambre. Il se dirige vers l'endroit d'où viennent les cris. En haut de l'escalier, une chambre au bout du couloir. Marcel remarque un œil de bœuf donnant sur la chambre avec un rideau à moitié tiré. Il monte sur une chaise pour regarder à l'intérieur. Charlus, 68 ans, nu, enchaîné au lit et battu par un jeune homme avec un fouet. La porte s'ouvre. Jupien entre. Il se passe bien, Marron. Oh. Est-ce que je peux vous dire un mot ? Va donc en bas, Maurice. Oui, monsieur Jupien. Ah. Il n'a pas le cœur à ça, ce petit. Ah, je sais qu'il fait de son mieux, mais il n'est pas assez brutal, vraiment, pas assez. Il n'est pas sincère. Il fait semblant. Oh. Je suis navré, mais j'ai en bas un garçon boucher. Ah ! Une vraie brute. Oh. Il a presque tué un prêtre défroqué ici l'autre jour. Voulez-vous l'essayer ? Voilà qui me paraît mieux. Est-ce que je vous enlève les chaînes le temps que j'aille le chercher ? Ah non, non. Laissez-moi les chaînes. Jupien sort de la chambre. Il aperçoit Marcel qui est resté à son poste d'observation. Marcel jette un dernier coup d'œil à l'intérieur de la chambre, puis descend l'escalier. Jupien lui emboîte le pas. Je suis très surpris de vous voir ici, monsieur. Je suis entré me réfugier à cause de l'alerte. Cet hôtel vous appartient, n'est-ce pas ? Oui. Mais je ne voudrais pas que vous me jugiez mal. Ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent. Je suis forcé de louer de temps en temps des chambres à des personnes convenables. Les frais sont importants. Le matériel, les charges, le personnel. Non, voyez-vous, si j'ai pris cette maison, c'est uniquement pour le baron, pour distraire ses vieux jours. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Quant aux garçons que je fais venir, le baron aime autant leur compagnie que le reste. Il joue souvent aux cartes avec eux. Il faut que j'aille chercher mon voyou pour lui. En réalité, ce n'est pas un voyou, c'est un gentil petit gars qui envoie à sa mère presque tout l'argent qu'il gagne ici. Je pense que je dois vous remettre ceci. Je l'ai trouvé par terre dans cette chambre. Oh mon Dieu, une croix de guerre. Vous devriez sans doute la rendre à son propriétaire. Oui, oui, bien sûr. Parc de Tansonville, jour 1915. L'étang, vu à travers un trou dans la haie. Une canne à pêche est placée sur la rive, son bouchon dansant sur l'eau. Marcel et Gilberte apparaissent, se promenant au bord de l'étang. Ils ont tous deux 35 ans et sont en tenue de deuil. Deux jours après la mort de Robert, j'ai reçu un paquet. Un envoi anonyme. Il contenait sa croix de guerre. Il n'y avait rien d'autre. Pas un mot d'explication. Le paquet avait été posté à Paris. N'est-ce pas étrange ? Oui. Il ne m'avait jamais dit dans ses lettres qu'il l'avait perdu. Ou qu'on la lui avait volée. Maison de Swann à Tansonville. Je l'aimais. Mais nous avions fini par nous rendre malheureux. Il avait une autre femme dans sa vie. Ou d'autres femmes, je ne sais pas. D'autres femmes ? Oui. Il avait une vie secrète, qu'il ne m'a jamais avouée. Mais je savais qu'il ne pouvait pas y résister. Parc de Tansonville, matin. Cela vous rappelle-t-il votre enfance à Combray ? Pas vraiment. Depuis combien de temps n'étiez-vous pas venu par ici ? Oh, beaucoup de temps. Les choses ont changé. La guerre a tout changé. Non, cela n'a rien à voir avec la guerre. Mais ces chemins, ces bois, le village, n'éveillent rien en vous ? Rien. Ils n'ont pas de sens pour moi. Tout cela est mort. Cela ne me rappelle presque rien du tout. Je me souviens que je vous avais aperçu à travers la haie. Je vous adorais alors. Pourquoi ne me le disiez-vous pas ? Je ne m'en étais pas doutée. Vous me plaisiez énormément. Vraiment ? J'avais envie de vous. J'étais très précoce, j'imagine. J'avais l'habitude d'aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. Des jeux très vilains, dans l'obscurité. J'aurais tellement voulu vous y voir venir. Je me souviens très bien quand vous m'avez vue à travers la haie. Je vous ai fait un signe très clair pour vous montrer ce que j'attendais de vous. Mais je ne crois pas que vous l'ayez compris. Pourquoi riez-vous ? Parce que je n'ai pas compris. J'ai compris très peu de choses. J'étais trop préoccupé par d'autres pensées. Pour tout dire, j'ai gaspillé ma vie. Maison de santé, chambre de Marcel, jour 1917. La maison de santé est un vaste château au bord d'un lac. Marcel est assis, immobile, dans une chambre spacieuse. Il a 37 ans. Il est enveloppé dans un manteau. Il est figé comme un oiseau de nuit. Maison de santé, couloir. Un médecin en blouse blanche. Tout au bout du long couloir, on voit Marcel debout. Maison de santé, chambre de Marcel. Marcel assis, immobile. Des oiseaux tournoient à la fenêtre. Parc de la maison de santé. Le lac. Marcel assis sur un banc, le dos tourné au lac. Au loin, silhouette en blouse blanche. Campagne. Jour 1921. Un train arrêté. Un mécanicien longe les wagons. Il vérifie l'état des roues. Intérieur d'un wagon. Marcel, seul. Il a 41 ans. Une rangée d'arbres à l'extérieur, en arrière-plan. Appartement de Marcel, 1921. Il ouvre une enveloppe. Il en sort un carton. C'est une invitation pour une matinée donnée par le prince et la princesse de Guermantes. Il pose le carton sur son bureau. Visage de la princesse de Guermantes en 1898 dans sa loge d'opéra. Hôtel du prince de Guermantes, jour 1921. Marcel entre dans la cour à pied. Attelage, automobile, foule de chauffeurs. Une auto arrive, fait une embardée pour éviter Marcel. Marcel recule, trébuche sur des pavés inégaux. Il chancelle, reprend son équilibre, met de nouveau le pied sur le pavé le plus bas. Une image de Venise. Le visage de Marcel. Il oscille d'avant en arrière. Il s'immobilise. Il oscille de nouveau. Des chauffeurs l'observent avec amusement. Il se redresse. Lueur bleue. Chauffeurs amusés. Mosaïque bleue de la basilique Saint-Marc. Visage de Marcel. Les portes de l'hôtel de Guermantes sont grandes ouvertes. Marcel entre. Il gravit l'escalier. Un majordome s'approche. La princesse a donné l'ordre de laisser les portes fermées tant que le concert n'est pas terminé. Voulez-vous attendre dans la bibliothèque, monsieur ? Marcel entre dans la bibliothèque. Il s'y assoit. Il se trouve seul avec un domestique qui est debout près d'une table avec des rafraîchissements. Le domestique cogne par inadvertance une cuillère contre une assiette. Une rangée d'arbres vue d'un wagon de train arrêté. Le domestique avec la cuillère. Le train dans la clairière. Le mécanicien cognant la roue. Marcel dans le wagon. Aucun son. Marcel dans la bibliothèque. Il regarde la table à côté de lui, où sont posés des petits fours et un verre d'orangeade. Il boit. Il s'essuie les lèvres avec une serviette amidonnée. Ciel bleu vu à travers une fenêtre. Marcel avec la serviette à la bouche. Ciel et mer encadrés par une grande fenêtre. Devant la fenêtre, une serviette amidonnée pendue à un porte-serviette. Marcel et le domestique, immobiles. Conduite d'eau dans la bibliothèque. De l'argenterie brillant sur la table. Visage de Marcel. Grand hôtel de Balbec, crépuscule. La salle à manger déserte. Les tables sont mises. Marcel dans la bibliothèque. Hôtel du Prince de Guermantes, 1921. Les portes du salon s'ouvrent. Marcel hésite à entrer. Dizaines de visages dont certains se tournent vers lui, grotesques de vieillesse et de maquillage. Il avance dans le salon. Les perruques et les maquillages de ces vieillards qui ont de la peine à se tenir debout, à s'asseoir, à faire des gestes, à rire, donnent l'impression d'un bal costumé grotesque. Une image de Venise. La duchesse de Guermantes, 63 ans, avec Marcel. Cela fait tellement, tellement longtemps. Combien d'années? Quand était-ce, au juste? Où étiez-vous passé? Vous n'avez pas changé, vous savez. Si, peut-être un petit peu. Je ne suis plus toute jeune, n'est-ce pas? Dame, je ne suis plus un tendron. Image de Balbec. Ciel et mer encadrés par une fenêtre. Passe un très vieil homme courbé. Qui est-ce? Le comte d'Argencourt. Vous ne vous souvenez pas de lui? Il avait une réputation terrible. À cause des valets, en particulier. Je ne parviens pas à le croire. Mon Dieu, il a changé, bien sûr. Savez-vous que vous êtes probablement mon plus vieil ami? Mon seul véritable ami ici. Vous avez connu tout le monde chez moi, n'est-ce pas? C'est chez moi que vous avez fait la connaissance de Swann. Je le connaissais déjà un peu quand j'étais enfant. Sa fille Gilberte est par ici. La connaissez-vous? Pas vraiment. Elle n'a jamais aimé Robert, voyez-vous. Jamais. C'est une teigne. Une rangée d'arbres, vue d'une fenêtre de wagon. Où se trouve la princesse? Elle est là-bas. Ce n'est pas la princesse. Mais si. Elle s'appelait autrefois Verdurin. Ma cousine chérie est morte. La mère Verdurin est la nouvelle princesse. Ma nouvelle cousine. N'est-ce pas étonnant? Le prince a trouvé bien utile son argent. Image de Balbec. La salle à manger de l'hôtel. Monsieur de Cambremer et Marcel. Monsieur de Cambremer a 75 ans. Il a le visage grêlé et déformé. On m'a dit que vous avez passé des années dans une maison de santé, mon cher ami. Avez-vous toujours vos crises d'étouffement? Enfin, y a-t-il une amélioration? Pas vraiment. Oh. Mais elles sont moins fréquentes avec l'âge, n'est-ce pas? Vous devez sûrement vous en apercevoir. Ma sœur en a sensiblement moins qu'autrefois. Marcel, seul. Il regarde attentivement l'assemblée. Des hommes claudiquants et courbés, des femmes à demi paralysées. Des visages plâtrés de maquillage. La vicomtesse de Saint-Fiacre, C'est une cocaïnomane. Elle a les yeux hagards, un rictus à la bouche. Marcel remarque un groupe de personnes qui de loin paraissent jeunes. Il s'approche et s'aperçoit que leurs visages sont luisants et ridés, leurs yeux rapetissés par des paupières enflées. Brichot passe, totalement aveugle. Il a 84 ans. Odette, assise sur un canapé, entourée de jeunes hommes. Elle a 64 ans. Mais elle a gardé sa beauté. Morel entre dans le salon. Il a 41 ans. On l'accueille chaleureusement. La princesse de Guermantes, naguère Madame Verdurin, lui fait signe de loin. Madame de Cambremer, 70 ans, et la duchesse de Guermantes. Que devient la marquise d'Arpajon ? Elle est morte. Non. Non, vous confondez avec la comtesse d'Arpajon. Mais pas du tout. La marquise est morte, elle aussi, il y a à peu près un an. Mais j'ai été à une soirée de musique chez elle il y a moins d'un an. Écoutez, elle est bien morte, je puis vous l'assurer. Mais je ne suis pas surprise que vous ne l'ayez pas su. Elle est morte comme elle a vécu, tout à fait inaperçue. Gilberte, 41 ans, et Marcel. Je m'étonne vraiment de vous trouver dans une réunion pareille. Voulez-vous que nous allions dîner tous les deux seuls au restaurant ? Volontiers. Si vous ne trouvez pas compromettant de venir dîner seul avec un jeune homme. Ou plutôt un vieil homme. La Verdurin est ma tante maintenant, savez-vous ? Vous ai-je dit que j'ai maintenant une grande amie que vous avez connue autrefois, je crois ? Elle s'appelle André. En effet, je l'ai connue. Elle est ici avec son mari. Ah, non. Elle est là-bas en train de parler avec Morel. Marcel et Rachel. Rachel, 44 ans, paraît bien plus vieille que son âge. Non, je vois bien que vous ne me reconnaissez pas. Mais si, bien sûr. Eh bien, qui suis-je ? Ma foi... Je vais vous le dire. Nous nous sommes rencontrés autrefois dans les coulisses d'un théâtre, avec un de vos amis. Il était follement amoureux de moi. Vous en souvenez-vous ? Ah oui, en effet. Il m'adorait. Le duc de Guermantes, assis avec Odette sur un canapé. Le duc paraît toujours aussi beau et majestueux. Ses cheveux sont blancs. Il a 75 ans. Vous venez de voir Rachel. Ne trouvez-vous pas que c'est la plus grande actrice du moment ? Au fait, savez-vous que mon mari a une nouvelle liaison ? À l'âge de 75 ans ? N'est-ce pas étonnant ? Mais nous nous aimons encore beaucoup. Le duc de Guermantes est très épris de ma mère. Il passe toutes ses journées chez elle. Elle ne vieillit vraiment pas, n'est-ce pas ? Absolument pas, en effet. Il y a toujours eu des gens pour tomber amoureux de ma mère. Le duc de Guermantes marchant vers la porte. On se rend alors compte de son âge. Il a beaucoup de mal à marcher, tâtonne, s'essuie le front, chancelle. Odette et Marcel. Asseyez-vous près de moi. Je suis ravie de vous revoir. Vous connaissiez mon premier mari, je crois. Votre premier mari ? Charles Swann. Je suis Madame de Forcheville à présent. Enfin, Monsieur de Forcheville est mort. Mais vous avez en effet connu Charles. Oui, un petit peu, dans mon enfance. Je sais que vous écrivez. Oh, que de choses je pourrais vous raconter. Que de sujets je pourrais vous fournir. Vous intéressez-vous à l'amour ? Je veux dire, est-ce que vous écrivez sur l'amour ? Mais sur quoi d'autre écrire ? Je n'ai eu des amours qu'avec des hommes qui étaient terriblement jaloux de moi. Charles était horriblement jaloux. Mais il était tellement intelligent. Je n'ai jamais pu vraiment aimer un homme dénué d'intelligence. Je n'aimais pas Monsieur de Forcheville. J'adorais Charles. Au fond, Nous avons été très heureux ensemble. Charles, lui aussi, voulait écrire, vous savez. Mais je crois qu'il était trop amoureux de moi pour en trouver le temps. Marcel, debout, seul. Gilberte s'approche de Marcel avec une jeune fille de 16 ans, très jolie. Voici ma fille. Mademoiselle de Saint-Loup incline la tête en souriant. Marcel la regarde fixement. Le vaste salon avec une multitude de gens. Mademoiselle de Saint-Loup, souriant. Les arbres d'Udiménil. Les clochers de Martinville. Écran jaune. La Vivonne à Combray. Les toits de Combray. Le jardin de Combray le soir. La clochette à la grille du jardin. Swann ouvrant la grille du jardin et s'en allant. Marcel, enfant, regardant par la fenêtre de sa chambre. La vue de Delft de Vermeer. Écran jaune. Il était temps de commencer. C'était le scénario Proust de Harold Pinter avec la collaboration de Joseph Lauzet et Barbara Bray. Traduction de l'anglais et adaptation radiophonique, Jean Pavant. Deuxième partie avec Laurent Natrella et Clotilde Bézère, les narrateurs. Clément Hervieux-Léger, Marcel. Alain Pralon, Charlus. Martine Chevalier, la grand-mère. Catherine Sauval, la mère. Catherine Salvia, Françoise. Loïc Corbery, Swann. Adeline Dermy, Albertine. Félicien Jutner, Jupien. Elsa Le Poivre, la duchesse de Guermantes. Aurélien Recoin, le duc de Guermantes. Romain Duteil, le valet et le journaliste. Jennifer Decker, André. Nicolas Lormeau, le docteur Cottard. Alain Langlais, Brichot. Christian Blanc, Monsieur de Cambremer. Véronique Vella, Madame de Cambremer. Jérémy Lopez, Morel. Claude Mathieu, Madame Verdurin et la princesse de Guermantes. Claire Vernet, la reine de Naples. Gilles David, Monsieur Verdurin. Sylvia Berger, Gilberte. Florence Viala, André Agé. Dominique Costanza, Rachel Agé. Cécile Brune, Odette Agé. Et les élèves de la Comédie-Française, Guillaume Mica, Samuel Roger, Émilie Prévoto, Romain Duteil, Cécile Morel. Les musiques sont extraites de l'œuvre de Guillaume Lequeux. La sonate pour piano et violon est interprétée par Jean-Louis Caillard, piano, et Christophe Boulier, violon. Le quatuor de Guillaume Lequeux est transcrit pour octuor par Arnaud Petit et interprété par le quatuor Manfred et le quatuor ciné-nominé enregistré à Dijon le 19 juin 1996. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Philippe Carminati, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.